Bienvenue dans Scargot Culte. Confinement oblige, on va s'évader, on va dans l'espace. Grâce aux ondes, ouais. Et dans l'espace. Space is the place, comme disait le poète Sun Ra. Ouais, le poète. Et en guise d'espace, je vous invite à découvrir, et même redécouvrir, la bande originale d'un film extraordinaire, et la bande originale l'est tout autant, voire encore plus. Je veux parler de Planète Interdite, Forbidden Planet. Et cette immense et historique partition de synthèse composée en leur temps par les époux Lewis et Bébé Baron. Jamais Hollywood n'a été aussi culotté qu'à ce moment-là, finalement, en tout cas en ce qui concerne le sound design. Bon, un culot qui allait porter ses fruits, hein, parce qu'aujourd'hui, tous les bidouilleurs électroniques, d'ailleurs, et qui travaillent au service des bandes originales de films, du sound design ou de l'électronique pure et dure, doivent à Lewis et Bébé Baron. Donc, bah, remettons-nous un petit peu dans cette histoire et dans ce contexte. Hein. Parlons du film, finalement, assez rapidement. On est en 1956, Hollywood est à son âge d'or, en tout cas un de ses âges d'or, et c'est un âge d'or qui correspond justement à un super appétit pour la science-fiction. Les grands auteurs sont passés par là, il y a déjà eu quelques grands films, mais celui-ci sera le plus grand parmi les grands, en tout cas à l'époque, d'abord parce qu'il va convoquer moult technologies finalement à son service, à commencer par le Technicolor, c'est quelque chose de tout nouveau, mais forcément tout beau, qui alors, effectivement, pour aller camper des décors intersidéraux, espèce opéra, il n'y a pas mieux que le Technicolor. Et puis, bah, surtout, une bande-son qui se devait d'être à proprement inouïe, au service de la narration de ce film. Un très rapide résumé du film. L'histoire est connue. Hein, et ceux qui n'ont pas vu Forbidden Planet, ils vont s'empresser d'aller le voir dès que ce cargo culte est fini, jurez-le-moi. Et ceux qui l'ont vu aussi seront probablement très heureux de le revoir. Donc, le film traite d'une expédition spatiale, en fait, qui va aller sur les traces d'une expédition perdue sur une planète, la fameuse Forbidden Planet, qui s'appelle Altair. Et là-dessus, l'expédition va trouver un savant rescapé de l'expédition précédente. Il n'est pas tout seul, il y a sa fille avec lui, qui est forcément une super blonde hollywoodienne, on est en 1950, dans les années 50, et Robbie, le robot, un héros, un personnage assez important du film, quand même, c'est un robot. Sur cette planète, on apprend qu'il y avait une civilisation disparue depuis plusieurs milliers d'années, extrêmement évoluée, la civilisation Krell. Et elle a été décimée par une force inconnue et prodigieuse. Or, voilà que cette force étrange réapparaît. Et elle réapparaît, mais sans qu'on la voie. C'est une force invisible qui s'en prend petit à petit à l'équipage et puis, au fur et à mesure du film, à la communauté entière. Or, ce monstre absolument implacable, c'est le monstre du ça, the monster of the id. Autrement dit, c'est un monstre issu du subconscient. Du savant rescapé ici, du démiurge solitaire ou presque, dont le subconscient, bien sûr, va s'en prendre à la communauté, va s'en prendre aux gens qui viennent supposément le libérer. Et tout ça est éveillé par la super technologie Krell, parce qu'évidemment, ça ne peut pas venir de nulle part. Mais cette technologie, elle était si parfaite qu'elle a été trop loin et qu'elle a finalement fini par se retourner contre ses créateurs. Et oui, la jolie morale sous-jacente. Mais attendez, elle est extrêmement intéressante. C'est freudien, mais c'est même surtout shakespearien. Sans même trop le déguiser, finalement, Forbidden Planet, c'est l'adaptation de La Tempête de Shakespeare. Et on y trouve cette même dichotomie entre le bon fils Ariel, incarné en fait dans l'hyper technologique et efficient Robbie le robot, et le Caliban dévastateur, qui est lui, ce Monster of the Id, qui aura raison finalement de tout un mythe, toute une civilisation, toute une construction technologique. Pour donner vie à ça, il fallait des gens d'exception, et ces gens-là, ça a été les époux, donc Lewis et Bébé Baron. Ils ont fait preuve d'une invention technologique absolument extraordinaire, et au-delà même finalement des procédés technologiques qui ont été déployés là, il y a clairement une intention artistique d'une force inouïe. Peut-être que pour la première fois, l'art et la science finalement se rencontraient de manière aussi efficace et peut-être plus encore la cybernétique au niveau de la création. Alors, petite biographie, parce qu'elle nous renseigne énormément sur les époux Baron qui vont se marier en 1947. Les époux Baron vont recevoir un cadeau absolument peu banal, rarissime à l'époque, spécialement sur le territoire américain. Il s'agit d'un magnétophone. En 1947, un magnétophone, il n'y en a peut-être pas aux États-Unis. Bébé Baron dira qu'ils étaient les premiers à en avoir eu un sur le territoire américain. Ce qui n'est pas extrêmement évident à vérifier, mais à l'évidence, l'un des premiers. Pourquoi ? Ben oui, le magnétophone, c'est un outil, c'est une invention allemande. C'est une invention allemande et qui servait à enregistrer les discours d'Hitler. Oui, l'inventeur des sound systems, c'est Adolf Hitler, qu'on se le dise. Et Bébé Baron aimait beaucoup justement dire qu'il possédait le même magnéto que Adolf Hitler. Très vite, les époux Baron vont s'en servir et composer pour et avec la bande magnétique, dès 1950. Et ça, plus d'un an, finalement, avant les travaux de Pierre Schaeffer, de musique concrète, sur bande magnétique. La musique concrète, tout révolutionnaire qu'elle soit, et bien sûr elle l'est, doit ses primes au début au disque vinyle. Hein. Et la bande va arriver seulement à partir du début des années 50. 53 précisément, je crois que ce sera à ce moment-là que le métophone va devenir un standard de diffusion à la RTF d'alors. Donc au niveau de la manipulation des bandes magnétiques, les Barons sont clairement les premiers. Et dans une avant-garde qui n'est pas du tout celle que recherche Hollywood à ce moment-là. De toute façon, ils sont totalement étrangers à Hollywood, les Baron. C'est ça un peu le miracle, c'est qu'ils vont être finalement associés, et de manière plutôt provisoire, à une espèce de grande aventure cinématographique, mais qui n'est pas totalement de leur ressort. Les époux Baron sont des intellectuels. Leur cercle, bah, c'est des gens comme John Cage qui vont insister pour que justement les Baron travaillent comme ils travaillent, qui vont leur dire « mais oui, ce que vous faites, c'est bien de la musique ». Et ils vont faire un énorme boulot sur le William Mix de John Cage, notamment. Autres affinités intellectuelles avec lesquelles ils vont travailler, c'est des gens comme Anais Nin, Henry Miller ou Tennessee Williams. En 1952, une œuvre très très culte, mais bon, alors pas du tout diffusée, hein, qui s'appelle en fait The Bells of Atlantis. Et c'est un poème sonore et visuel, en fait. On oserait dire un clip vidéo, mais non, en 1952, le mot ne se prononce même pas. Pour Anais Nin et avec Anais Nin. C'est une interprétation en fait de très surréaliste du poème en prose qu'avait écrit Anais Nin, La maison de l'inceste. Ajoutez à ça que l'influence majeure des Baron, elle n'est pas musicale. Elle est scientifique. Hautement intellectuelle, ça c'est une chose, mais scientifique et notamment à travers le bouquin extrêmement important qui est l'ouvrage de Norman Wiener, Cybernetics, qui paraît en 1948. Cybernetics, Control on Communication in the Animal and the Machine. Voilà, et s'il faut le rappeler ici, bah la cybernétique, c'est l'art du contrôle. Quelque chose de peut-être plus politique que technologique. Mais évidemment, la notion de contrôle, elle passe et elle s'émancipe dans une invention technologique qui demande qu'à s'exprimer à ce moment-là. Louise Baron et bien sûr Bébé Baron vont donc se coller à la bande originale du film Forbidden Planet en 1956. Ils vont y travailler dès 1954. Pendant plus d'un an et demi, ils vont bosser sur cette partition sonore. Absolument incroyable, c'est presque pas concevable aujourd'hui de travailler 18 mois sur la bande-son d'un film. Et justement, ils vont le travailler suivant les principes de Norman Wiener et suivant les schémas cybernéticiens de Norman Wiener. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire, et là il va y avoir un rôle qui va se partager entre les deux époux, Louis va fabriquer des circuits, des oscillateurs, notamment les tout premiers ring modulateurs. Les ring modulateurs, sans rentrer dans une explication complexe qui moi-même m'échapperait, sont finalement des oscillateurs qui vont eux-mêmes actionner l'oscillation d'un autre oscillateur. Et du coup, permettre des modulations beaucoup plus complexes que celles qu'on avait auparavant. Le problème, c'est que ces circuits, c'est des circuits qui crament très très vite, extrêmement fragiles. Donc il faut les enregistrer immédiatement. Qui c'est qui se colle à l'enregistrement ? Bah, c'est Bébé Baron, elle. Et il s'avère que bah, les circuits, ils ont une âme. Ils ont une âme et surtout, ils ont un son qui va personnifier l'action, qui va incarner les éléments du film. En un mot, faire du sound design. Mais croyez-moi que le mot sound design, dans les années 50, il est sur aucune lèvre. Ça n'existe même pas. Et ainsi, quelques sons comme ça vont se déployer petit à petit et devenir eux-mêmes des personnages du film. Par exemple, celui-ci. Ce son est absolument génial, c'est celui du monstre. Mais alors, dans sa toute première apparition, il est complètement chargé d'inquiétude, il est lent, pesant, vivant, effrayant. Génial. Et donc, finalement, il va falloir créer comme ça une partition sonore, et plutôt complexe, avec des kilomètres et des kilomètres de bandes. Hein. Et là, il ne s'agit pas d'une exagération ou d'un euphémisme. Quand je parle de kilomètres, c'est réellement sur des kilomètres de bandes. Je vous le disais, c'est plutôt Bébé Baron qui va se coller au montage. Et donc finalement, c'est elle qui va être la principale compositrice. Elle édite, elle pitch les sons éventuellement, et puis elle use aussi de techniques balbutiantes, mais qui sont le propre de la musique concrète, hein, et là qui existe déjà, puisque je parlais tout à l'heure de ce qui s'était passé avec les disques vinyles dans la musique concrète. Bah, la bande permet des manipulations plus audacieuses encore, hein, de pitch, de reverse, d'accélération, de décélération, etc. In fine, y a un ensemble d'éléments qui sont, eux, mixés par Louise Baron sur 3 magnétophones. Magnétophone à l'époque, hein, c'est gros comme presque aussi gros qu'une voiture, quoi. C'est évidemment, hein, on n'a pas encore le nagrant en bandoulière. Ça viendra bien plus tard, voilà. Et donc voilà, c'est comme ça que se crée Planète Interdite. Ça a l'air presque facile comme ça, mais bon, c'était un boulot, c'est un boulot absolument, absolument conséquent. Et qui va mettre Hollywood sous le choc, l'auditeur sous le choc. Le spectateur sous le choc. Le film a un succès, mais vraiment de facto. Le film, il est la. Alors c'est marrant parce que j'ai plus en tête le nom du réalisateur, MacLeod. Alors, cherchez pas la carrière cinématographique de MacLeod comme étant quelque chose à marquer d'une croix blanche sur l'histoire du cinéma. C'est quelqu'un qui en fait pas fait grand chose, si ce n'est la trilogie des Lassie, chien fidèle. Voilà. Et donc, au milieu de cette trilogie, qui est quand même dans le comble du ringard, quoi. Mais bon, ça a un peu marqué son époque, quand même. Bah, au milieu de cette trilogie, le génial Planète Interdite. Voilà. De fait, hein, on a plus retenu le nom des époux Baron que le nom du réalisateur. Et je crois que c'est une injustice. Hollywood, totalement subjugué par ses electronic tonalities. C'est ainsi que vont être crédités les époux Louis et Bébé Baron dans le film. Alors attention, c'est une vraie peau de banane, ce crédit. C'est une vraie peau de banane parce qu'en fait, on n'aura pas considéré le statut de musicien. Or, soyons clairs, toute la bande-son du film et tout le sound design qui se confondent, c'est-à-dire musique, création sonore, sound design, partition musicale, sont à 100% le fait des époux Baron. N'a aucun autre son que ceux qu'ils ont composés strictement électroniquement et avec 100% de technique de synthèse. C'est une nouveauté inouïe, ça ne s'est jamais vu auparavant. Et certes, l'électronique a déjà figuré un petit peu dans certains films. Je pense à Bernard Herrmann qui avait utilisé chez Hitchcock le Theremin, par exemple. Mais voilà, c'était un élément dans une orchestration beaucoup plus vaste que ça, quoi. Là, pas du tout. On est dans du 100% électronique et, je le disais, quelque chose d'absolument inédit et qui subjugue l'auditeur. Mais voilà que la guilde des musiciens d'Hollywood a considéré que travailler avec des machines et faire remplacer finalement l'humain par de l'électronique, c'était de l'hérésie, quoi. Donc on a totalement refusé le statut de musicien aux époux Baron. Ça veut dire qu'in fine, ils n'ont eu aucun droit d'auteur sur leur boulot. Et ça vous embouche un coin, parce que je pense que rarement bande-son de film aurait été aussi influente que celle-là, soyons francs. Mais elle n'a pas rapporté un rond, en tout cas, de droits d'auteur à ses auteurs avant les années 80, même sans qu'il y ait eu de rétroaction sur finalement les copyrights qui auraient dû revenir aux époux Baron. Bon, alors cela dit, les époux Barron ont été très, très, très bien payés pour ce boulot. C'était plus de 30 000 $ à l'époque. Ils ont eu de quoi acheter une maison dans la banlieue de New York et installer un nouveau studio. Donc, en fait, ça allait, effectivement. Et puis, Hollywood, c'est l'industrie qu'on connaît. Dans les années 50 comme aujourd'hui, ça rapporte, quoi. À mon avis, d'ailleurs, plus dans les années 50 encore qu'aujourd'hui, en proportion, finalement. Mais voilà, il y a cette question des droits d'auteur qui n'a jamais été réglée. Et pour un son, finalement... au combien influent. Je propose qu'on y aille tout de suite. Vous savez que pour la petite histoire d'ailleurs, cette bande originale de film, bon, le film date de 1956, la bande originale aussi, elle n'a seulement été éditée en vinyle et puis en micro-cassette que 20 ans après, en 1976. Ça paraît inconcevable, mais c'est vrai. On ne penserait pas que Ennio Morricone ou Bernard Herrmann, dans leur musique des années 50 ou 60, aient attendu 20 ans pour être édité sous format quelconque. Eh bien oui, pour les époux Barron, ce fut le cas. Donc il y a quand même une injustice flagrante derrière un travail en même temps colossal et qui a été vu presque tous à l'époque. Le film a été un franc succès quand même, dûment promotionné, notamment à travers son personnage Robbie le Robot. Ça a été une des premières grandes figurines du merchandising sci-fi. Croyez-moi, quand George Lucas a débarqué après, il avait pris la leçon, aussi bien au niveau sonore qu'au niveau merchandising. Et voilà, mais ça, c'est une autre histoire. Et en tout cas, la proto-histoire, c'est celle qu'on va entendre aujourd'hui, c'est celle qu'on va découvrir aujourd'hui. Vous allez voir les images du film, finalement, en rentrant dans ce son-là. Vous allez même voir et entendre le lion de la MGM intégré de facto dans le générique du film. Voilà, je vous laisse en continuité absolue sur 40 minutes de son avec Louis et Bébé Barron pour cet inoubliable Forbidden Planet. C'est dans Cargo Cult. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Voilà. Et la planète explose à la fin. Il faut la détruire pour que ce monstre de l'id, mais surtout la technologie qui a permis que ce monstre du subconscient, du ça, de décime toute une communauté, ne puisse réapparaître. Alors, quel film et quel BO ? C'est la seule BO, hein, d'ailleurs, pour Hollywood, que vont signer les époux Baron. Et là, je le répète, dans ce registre, Electronic Tonalities, c'est-à-dire... non crédité comme musicien, ce qui veut dire pas de droit d'auteur à l'arrivée non plus. Donc ça, c'est aussi un des scandales du genre qui finalement fait un petit peu date. Les époux Baron, ils vont tenter de refaire d'ailleurs les sons de Planète Interdite plus tard, mais ça va s'avérer en fait impossible, parce que ces productions, j'en ai décrit le process en amont de ce programme, elle tenait vraiment de la performance, quoi, avec des circuits qui pouvaient cramer en direct et une quasi-impossibilité de reproduire une opération. D'où la nécessité de l'enregistrer très très vite et travailler ensuite à partir des bandes et puis parfaire le son au mixage. Voilà. Les époux Baron vont rester des époux jusqu'en 1970. Ils vont divorcer, mais ils vont quand même continuer à travailler ensemble jusqu'à la mort de Louis Baron en 1989. Voilà. Bon, et quant à Bébé Baron, elle a continué à signer de la musique et sur vraiment des principes similaires, toujours en travaillant avec la bande. Elle a refusé strictement le synthétiseur, même dans 2000. Et je pense qu'une des dernières commandes qu'elle ait faite, c'était pour le New York MoMA. C'était en 2000 tout juste, quoi. Et c'est plus que digne, quoi. donc Bébé Baron et le défunt Louis Baron, bon, elle est morte aussi maintenant, Bébé Baron, sont à jamais au panthéon de la musique électronique. Bon, et ce, grâce principalement à Forbidden Planet, mais aussi à d'autres choses. Bah, merci d'avoir été très, très à l'écoute de ce programme. Il y a une petite micro-coupure, mais les archives vont remettre tout ça à flot, donc ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, c'est Plouf Plouf en direct de Rennes. Ah, chers amis bretons, content de vous faire un clin d'œil du haut de cette planète interdite. Chers amis bretons qui ne sont pas confinés en ce moment, quelle bande de vénards. Tous les Parisiens donc vont venir vous voir avec l'amour au bord des lèvres. Et de fait, bah, vous allez suivre sur Pinode maintenant en direct. C'est 24 heures de radio au CCNRB de Rennes. Bienvenue Radio Plouf Plouf. À très bientôt, bon confinement à tous.